Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut tout le monde. Deux groupes que vous entendez souvent dans mon émission Blues Covers, et puis un troisième groupe qui apparaîtra pour la première fois dans l'émission. On commence donc avec Skiffle Rendez-vous, en 2014, a proposé de nombreuses reprises. Voici New Orleans, un morceau de Gary US Bonds qui a eu un énorme succès en 1960 et en France en 1961 par Johnny Hallyday, une adaptation qui s'appelle « À New Orleans ». Sur un 33 tours qui s'appelait, je crois, Tête à tête avec Johnny Hallyday, 1961, oui, et l'original en 1960. Et bien voici la version de ce groupe normand, Skiffle Rendez-vous, en 2014, New Orleans. Take a trip with me. Go down Mississippi, down in New Orleans. Oh, the honeysuckle, love me, nanny, honeysuckle vine. And the love is blooming there all the time. You know, every southern belle is a Mississippi queen. Mississippi down in New Orleans. I said, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Say, hey, hey, hey, hey. I say, hey, hey, hey, hey. Well, come on, everybody, take a trip with me. Go down Mississippi down in New Orleans. Well, the magnolia blossom fills the air. Growing on a big old tree down in Mississippi, down in New Orleans. Mississippi down in New Orleans. I said, hey, hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey, hey. Say hey, say yeah, yeah. Take a trip with me. Down Mississippi, down in New Orleans. The honeysuckle blooming on the honeysuckle vine. And the love is blooming there all the time. You know, every southern belle loves a Mississippi queen. Down Mississippi, down in New Orleans. You know, every southern belle. Mississippi queen, down in Mississippi, down in New Orleans. You know every southern belle loves a Mississippi queen, down in Mississippi, down in New Orleans. qui font rendez-vous. J'ai oublié de préciser que c'est extrait de l'album Bright Side of the Road de 2014. Alors, dans le premier titre, hein, le lead vocal chanteur principal, c'est Stéphane Dambry. Mais là, dans ce morceau, ça va être Hélène Massuer. Oui, il y a beaucoup de monde dans ce qu'il faut le rendez-vous. Un groupe malheureusement défunt, que j'aime beaucoup, un groupe normand, comme je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez trouver quelques infos sur Internet en tapant Stéphane Dambry, ou ce qu'il faut le rendez-vous, ou Deux chefs menteurs, c'est le nom de son dernier groupe. Mais quelle est donc la chanson, me demanderez-vous, qu'ils vont reprendre ? Bien, c'est Don't Mess Up a Good Thing, interprété en 1965 par Fontella Bass et Bobby McClure. Fontella Bass, c'est une chanteuse black issue d'une famille de musiciens mariés, trompettistes, les frères, les sœurs, enfin toute la famille est dans la musique. Elle a eu un autre très grand succès, même peut-être encore plus, avec Rescue Me. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à Don't Mess Up a Good Thing, un morceau qui a été repris par pas mal d'artistes. Outre Fontella Bass, il y a eu des gens connus comme Bo Diddley, Greg Allman, Ry Cooder, Grateful Dead même. Et aujourd'hui, je vous propose Skiffle, rendez-vous. Don't Mess Up a Good Thing. You're gonna mess up a good thing. I might have cheated you just a little bit, baby, like all the others do. Ain't about time to get my check, now rush it home to you. Don't be no fool, don't be no fool. If you keep on fooling around now, baby, you're gonna mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing. A good thing. Good thing. Good thing. Good thing. You tell me that you got a part-time lover leaving your rich house town. And I'm gonna be a bit of good up, baby, before you put me down. Don't you be no fool. Don't you be no fool. You're gonna keep on putting around now, baby. You're gonna mess up a good thing. You're gonna mess up a good thing. Now don't you go running across town, baby, to catch me to be wrong. I'm just a little bit jealous, baby. We got a things going on. Don't be no fool. Don't be no fool. If you keep on messing around now, baby, you're gonna mess up a good thing. Gonna mess up a good thing. Good thing. Good thing. notre habitué des blues covers, c'est Mr. Matt, qui était l'un des deux membres de Mountain Man il y a quelques années. Mr. Matt, guitare et chant, a proposé en 2020 un EP qui s'appelle The Lockdown Session. Lockdown, ça veut dire confinement. Et oui, mesdames, messieurs, nous sommes encore en plein dedans. Et ce EP est composé de 5 reprises. J'en ai déjà passé. Et aujourd'hui, je vous en propose 2 autres. Tout d'abord, Love of My Life de Queen. Ça, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion, c'est même peut-être la première fois, d'entendre Queen dans les blues covers. Alors, Love of My Life, cet extrait de l'album A Night at the Opera que Queen et Freddie Mercury ont publié en décembre 1975. Voici la version de Mr. Matt en 2020. Mr. Matt, toujours en 2020 avec le EP The Lockdown Session. Et là, c'est un morceau de Motorhead. Ah oui, encore un groupe que l'on n'a jamais entendu dans Blues Covers. C'est bien, ça change. Motorhead, en 1980, nous proposait un album Ace of Spades. Eh bien, Mr. Matt ne recule devant rien et reprend ce titre Ace of Spades, en 2020, Mr. Matt, l'As de pique. (Musique) gamble. I tell you, I'm your man. You win some, lose some, all the same to me. The pleasure is to play. Makes no difference what you say. I don't share your greed. The only card I need, the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dancing with the devil, going with the flow. It's all a game to me. Seven hot elephant, snake eyes watching you. Double up or quit, double stick or split. The ace of spades, the ace of spades. You know I'm born to lose, and a game is for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. Hey Piano Smith and His Clowns publie le titre High Blood Pressure. Nos amis bordelais de Flying Saucers Gumbo Special en ont proposé une version fort réussie. Et aujourd'hui, c'est un nouveau groupe, oui, un groupe tout récent, de l'ancien journaliste de Best, et donc il y a très très longtemps, Gilles Ribérol, qui avait, entre autres activités, fait partie de quelques groupes comme Casino Musique, un groupe New Wave. Mais aujourd'hui, il s'oriente vers ses premières amours, il revient à ses premières amours, c'est-à-dire le blues et le jazz New Orleans, avec un album et un groupe qui s'appelle Spirit of My. Le titre du disque « My Pleasure, My Pain », un album fort intéressant qui vient tout juste de sortir en 2021 sur le label Milano Records. Je vous propose sa version de « High Blood Pressure », Gilles Ribérol et « Spirit of My ». Et je vous dis bye bye et à la prochaine. I hear the high. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.